dalila bene mi so sento for you so ali ali ali ali ali e pane o du du cambenta po meie po varir busta sciu du c'è dalila fica de mei en liten ciu du c'è dalila fica de mei en liten en liten ciu. Lila bene mi so sento sorriu so mari ali ali ali ali e mari o du du cambenta po meie po bari busta sciu du c'era di la finca di mei en li den ciur du c'era di la finca di mei en li den.